Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. Plus personne. Plus personne. Parce que le droit à l'hébergement, je vais vous le dire, c'est une obligation humaine, mes chers amis. C'est vrai, la vie est dure, mais je n'attendrai du gouvernement. Je ne peux plus me serrer la ceinture, j'ai déjà atteint le dernier cran. J'ai minci avec la conjoncture, je flotte déjà dans tous mes vêtements. Avoir un hébergement, c'est dur, mais il faut manquer perdument. Tous les moulins à parole ne savent que faire du vent. Allez voter les gars synonymes de perdre du temps. Il faut le minimum, ma patte de la masse, amasse les votes. Le grand racoleur est percutant. La France aux Français, le changement c'est maintenant. Chacun sa ligne de conduite, mais dans tous les cas la suite des événements. Que les paroles s'envolent, que les bananes pas cabanes s'envolent. Moi je n'aime que quand la basse résonne, que le beat est pas déconne, la vibe est bonne. Allez de ma voix je déconne, tous les mettent en mal comme des bâtards déconnent. Depuis le début ça cumule des débilités, mais dans la rue tous les jours au sol ça passe des corps. Salaire c'est trop bas. Loyer, loyer c'est trop cher. Salaire c'est trop bas. Loyer, loyer c'est trop cher. Pour l'association Droit au Logement, la réquisition des logements vacants permettrait de loger rapidement et durablement toutes ces familles. Réquisition, réquisition. Depuis le début, ça cumule des débilités, mais dans la rue tous les jours au sol, ça masse des corps.